Bonjour, je suis Walel Sakaf, je suis au salon SME pour représenter la marque ADAP. ADAP, une marque a été créée dans les années 90, qui a dans son concept une infirmière, donc qui apporte une véritable valeur ajoutée et qualitative auprès de nos bénéficiaires, mais aussi auprès de nos équipes. Au fur et à mesure, depuis les années 90, dans notre réseau de plus de 150 agences, ADAP a su évoluer en créant son institut de formation, l'Institut ADAP, labellisé Parkinson et Alzheimer, mais aussi à créer la marque Midi et Soir pour tout ce qui est portage de repas, donc la diversification de services pour nos franchisés et nos bénéficiaires. Et tout récemment, la création de la marque ADAP Direct pour des projets de création en franchise au sein de notre réseau. Donc venez nous rencontrer. Venez découvrir la marque ADAP Direct. Être franchisé chez ADAP, c'est bénéficier d'un filet de sécurité en termes d'accompagnement, que ce soit sur la communication, le social ou sur des services d'accompagnement en qualité d'animation. Vous pouvez nous trouver sur www.adap.fr et on pourra échanger sur toutes les opportunités de développement. Merci beaucoup.